Non, j'arrive pas à lire. Hein? Vous allez me prendre la tête longtemps? Non, ça a blacké. Jérémy? J'arrive à écrire, gros, mais j'arrive pas à me relire. Je suis obligé de relire toujours tout. J'ai des yeux flous, je vois rien. Je vais avoir mes lunettes la semaine prochaine. Bah oui. 64 ans, déjà, tu vois plus rien. Hein. Non, j'ai pas de café, là. Black Ace. Ça te dérange pas si je passe en premier? Ah, 17h, je passe en premier. Ça va? Y'a pas les petits gâteaux? A human being so true. Numéro 3. Il vient pas. MTR, l'autre. Ah ouais. 3, je sais pas, Christiana, non? Elle a dit quoi? Ça, c'est le bruit de la planète Saturne. C'est pas grave. Martin, il va... Et les autres gens qui voulaient monter, ils sont pas arrivés. Hey. Attends, tu as envoyé? Tu en vois? T'as mis ça. Hey. Les gars, c'est bon là? Ici Radio Nova. Soir, ou... Mets ton micro. C'est bon, les gars. Ouais. Je vais monter un peu le plus le son. C'est à fond là, il faut que toi tu montes un peu dans sur ton volume. Ah ouais, tu montes un peu sur ton volume, hein. C'est écrit hein, le volume. J'ai écrit le volume. Ça parle du volume, des femmes, des seins. Les seins et SAIT, faut que je le retrouve, je sais même plus où il est. Oh, je sais même pas où regarder, tellement qu'il y en a des textes. Je suis pire que Joule, hein. Je vous le dis, moi. Là, c'est bon. En 2 minutes, j'ai écrit sans lunettes, ouais. C'est celui-là, là. C'est la médecine, celui-là, je crois. Voilà. Bienvenue à la radio, monsieur. Monsieur Spidomo. Bienvenue, les messieurs, dames. Ça va, l'artiste? Tu vas bien? Venez, asseyez-vous. Prenez place. As. Ah, voilà, on est là, on est... Là, on est connecté. La destruction du cerveau, attention, se fait par la lymphe rouge à côté du cervelet. Mangez tout ce qui est rouge. Oui. Betterave, chou rouge, tomate, radis. Bon, pour les hommes, la prostate, prostatique. aéronautique. Je vois pas ce qui est au courant. Soigner prostate, apranax, minocine, antibiotiques. Dominique. Les femmes ménopausées peuvent faire l'amour à go. C'est quoi ça? Ça, c'est une ordonnance. C'est l'ordonnance de la prostate. Docteur Dominique? Ouais. Docteur Omnissant? Omnisso. C'est ça qui m'énerve. Omnisso. Omnisound. Omnisso. Omnis. Hey. Mister Guilay. On ne touche pas là parce qu'il n'y a pas ton livre là. Guilay. Arrête. Je regarde. Mohamed Guilay. Attends, on va donner un micro à Guilay. Donne-lui un micro. Il parle. Tu peux donner ce micro à Guilay là? Tiens, là tu as un micro là pour toi. Donnez à l'eau, la vie n'a pas de cadeau. Le chagrin des loups. Louche, avec une loupe disloquée par les jours, nourrie de poissons qu'il n'avait plus, en négatif positif, comme un poste à gauche, une radio de Vas-y. De plasma. Mais donne-lui un casque à Mohamed Guilay, parce que sinon t'as rien. Attention, mesdames et messieurs. Comme un puma trop chassé. Attends, il faut l'aider. Attends, viens, mets le casque. Phénomène miraculeux. Faut qu'il soit avec nous. Pourquoi tu dis, va là-bas. Pourquoi il t'énerve? Ah si, moi aussi, il m'énerve. Pourquoi il vous énerve? Pourquoi il vous énerve? Il est pas, il est libre, il bouge comme il veut. C'est pas énervé pour lui. Et puis, il vient à la radio, hein. Mais j'arrive pas à lire déjà. Je lis pour vous. Bah tu lis pas, tu lis pour tout le monde. Je recommence. Il faudra que je leur lise à 5 heures. Oui. Mais tu te. Quelqu'un peut lire mon écriture, c'est écrit en double face. Dominique, après moi. À 17h je commence. Après c'est toi. Je m'entraîne. Mets les micros, Christiana. Christiana, mets le casque et les micros, sinon. T'as entendu, l'amour à gogo? De quoi ça m'intéresse? Oh là là! Mets les micros droits comme ça, Christiana. Voilà. Vas-y, Christiana, parle. Ma soeur va bientôt avoir les ménopauses, je m'intéresse, c'est pour elle, pour moi! C'est normal, c'est normal. Toi, bientôt, toi. Tout le monde est prêt, plus ou moins. Moi, bientôt, j'ai même pas. Ici. Ah ouais, tu veux pas d'enfant. Dommage. J'en ai, moi. Moi j'en ai des enfants aussi. Il dit bientôt je vais avoir la ménopause. Quand Aminata, à mon âge, je vais avoir la ménopause. Ils sont connectés. Ça c'est nous, regarde, Metanoïac. Ou avoir des enfants. Ça c'est nous, Metanoïac. Metanoïa, c'est la solution à la paranoïa. Ah ouais. Tu préfères finir VIP ou avoir des enfants? Je redis. Tu préfères finir vieille fille ou avoir des enfants? À la Métanoïa. Et alors? Bon, messieurs Guéla, il cherche un livre. Le tempérament des gens joue sur le soleil et Guéla, tu as trouvé le bouquin ou pas? Avenir de l'anniversaire, avenir du futur, en peinture, ergothérapie, en pique-nique. J'ai cassé un. En jeu, en jouet, coléreux, du cortex. Ambidextre, hein, de l'index, ouais. De la loi, la législation dans ton fion, comme un con, un conifère abattu, bella, bêta, idiot, par haut d'information indéfinie de la loi. Bravo. Le chagrin des loups, louche avec une loupe, disloqué par les ours, nourri de poissons qu'il n'avait plus, en négatif positif, comme un poste, une radio de sang SANG et de plasma, comme un puma trop chassé, et en classe primaire, en première, comme un phénomène miraculeux. En ampleur de lieu préféré en plume de pan comme un fond désintégré seul. Un autre. Il a dit ça ira Jason. Une minute, t'en parles 20 minutes. T'enregistres, papa ? Non, 20 minutes. Vas-y, on a tout enregistré. Hein. Vas-y, continue, Dominique. Vas-y, Dominique. Je suis un être. Vas-y, Dominique. Je suis un être. De quoi? Texte. Oui, il y en a là dans les journaux. Regarde dans les journaux du vendredi, tu en as. Quoi, tu veux rapper? Dans les journaux, tu peux trouver. Sinon, il faut demander à Mohamed. Tu as un livre de poèmes? Tu peux nous prêter un livre de poèmes? Je suis un être de plume, plomb, de plomb. Plumé de pan comme un con. Toi. T'as des dents manquants. J'arrive pas à lire. Tu sais rapper? Ouais, non, il faut que j'arrive pas à lire mon texte. Non, je suis là, je suis là. Toi, tu sais pas lire. J'en ai marre. C'est ça qui m'énerve. La prochaine fois, faut pas écrire parce que tu sais que tu vas devoir lire. Non, mais Dominique, on se prépare, on n'est pas encore en direct. Dans 18 minutes, on est en direct. Voilà. On va mettre un peu. On y va. Le rire démoniaque. T'es démoniaque. Ouais, je suis démoniaque. C'est pas vrai, c'est pas possible. Je te fais le pique-nique. Oui. Ah, je te fais le pique-nique. Hein, Martin? Ouais. Je te fais le pique-nique. Vas-y, hein, on va commencer là, on est à. Je te fais le pique-nique, il a dit. il y est là-dessus, le pique-nique. Encore un? Voilà, tout le monde est prêt. Je te fais le pique-nique. Tu mets quoi dans le pique-nique? Toi. Aminata, si tu veux parler, tu prends le micro. Hein. Tu veux un casque? Prends un casque pour écouter. Bon. Tu as pas mangé? Si, tout entier. Oh. Putain, là, je vais te bouffer entier. J'entends rien. Je vais te bouffer. T'as plus de jeunes maintenant. Mon pseudo, c'est pour la radio, c'est Enzo. Voilà. Ok, Enzo. Il y a un envolo ici. C'est lui qui présente. Envolo, Enzo. Il est là, Breton. Aminata, il veut manger. C'est qui vole le Marneji? Toi aussi, je te mange. Ok. On te met les menottes et voilà. Ah. C'est comme ça, Luthor. On lui met les menottes. Ouais. Voilà. Ouais, j'aime ça. Non, Lex. Je vais t'attacher. T'es une grosse tâche. Ok, on est prêt, tout ce que prêt. On commence. Bon, Jason, tu peux lire un peu à haute voix là, les programmes? Attache-moi. Premier. Je m'appelle plus John. Ah, pardon, John. Enzo. Enzo, c'est bien, Enzo, j'aime bien. En fait, il faudrait changer à chaque émission de bah émission. Ouais, à chaque. Omniso, Spike Domo. Voilà. Domo de tête, MAUX. Omniscent. Omnisound. Omnisound. Non, Domisson. Domisson. S-A-N-G. Ouais. S-A-N-G. Ok, on a tous des noms. En fait, il y a un poète qui s'appelle Rilke qui dit qu'on a quatre noms. Il y a un nom qui nous met nos parents, les noms qui nous donnent nos amis, les dons que nous-mêmes nous donnons, et un nom secret qui a quel Dieu qui le sait avec nous. T'as un bel accent, mon gars. Oui, oui, j'ai un accent. Il y a un accent. Dieu, on ne fait pas ça. Ça, c'est le démon. On est des démons sonores. J'ai pas de peur. J'ai pas de peur. Je vais rien faire. Je te connais. J'ai pas de peur. Plaquage au sol. Plaquage au sol. On connaît. C'est ça qui m'énerve. Tout le monde dans l'étranger. Ah, oh, faut venir, petit canaillou. Hein. Hey Max, elle est où ma mayonnaise? Elle est où ma Nanita? Enzo, Enzo. Elle est où ma Lolita? Hey, hey, hey, hey, hey. Ah, hey Lolita. Lolita. Ah, je m'en fiche, Enzo. Hey, Lolita. On est à 4 minutes, Jason. Ouais, je sais. Tu fais quoi là hoje? Ele é fou. J'arrête un peu, j'ai 8 ans. J'ai 10 ans. Tara tara tara tara. Joue avec la savonnette. Dominique, tu joues toujours en voiture? Ouais. Ok, dans combien de temps? Dans 3 minutes, c'est Jason qui va présenter. Non, mais si tu ramènes une voiture, j'ai inspiré. Il n'y a pas de gâteau? Alligato. Alligato, alligato. Il a dit que j'étais inspiré. Parle pas de ça. Ah, ça, j'aime. Voiture. Non. Voiture électrique. Mais non, une petite voiture là. Yavan, la machine, le son. Why don't you don't think? Brésil. Ça, c'est le Brésil. Deux minutes. C'est artiste. Terminator, tu veux pas jouer à la petite Barbie? Tu vas avoir un thé, Martin? Je sais pas. Moi, j'ai un thé prêt. On va chez toi, Martin. Comment tu veux prendre un con en Barbie? Tu prends pour un chien, cherche. Ouf. Ah oui, attends, j'ai pas du thé comme ça à tes données. Ah, j'ai t'es pas magicien? Non, pas encore. Après l'émission, oui, mais avant. Ok, deux minutes. T'as un chien de mal. Dominique, tu veux que je t'attache? Je voulais parler aussi à l'infirmière. Oui, attache-moi. Oh. Il a faim. J'ai les crocodiles. Tu vas pas, tu vas pas voler mon énergie. Toutes tes femmes sont les tiennes et toutes mes femmes sont les miennes. Encore une minute. Quelques secondes encore. Ouais. Dominique d'Anjou. Hôpital d'Anjou. Oh putain, deux jours, c'était dégueulasse le film. Le il était pourri le film. Il était pourri le film. Voilà, une minute, ouais, Jason. Ah, t'as un nouveau micro, toi. T'es un micro bionique. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Tu demandes à lui, il est portugais là. Qu'est-ce mais parle au micro. On est en direct. Tu peux lui mettre le micro plus droit. La radio Nova est ouverte. La radio Nova est fermée. À lui, non, non, non. À lui, lui. Allez. Tu peux lui mettre le micro plus direct pour qu'il puisse parler. Non, le micro qu'il a déjà. Que tu le dresses le micro, Jérémy. Voilà, c'est ça. Voilà. Sois parlé. Bon, il est 17h, vas-y Jason, on écoute la présentation de Metanoiac. Ouais. Enzo, pardon, Enzo. Sophie, elle vient pas? Faut refaire là. Faut Sophie, refaire, elle vient pas. Redis. Alors, il y a Enzo qui va présenter notre nouvelle émission de Metanoiac. Vas-y. Vas-y, Enzo qui va nous parler. Il y avait 6 matchs hier, je suis allé. Un match incroyable. Incredible. T'as dit quoi? Incredible. Incroyable. Ah, m'interromps pas. J'étais au stade Santiago Bernabéu. Eh quoi, ouais? Au stade Santiago Bernabéu. J'ai rien compris que tu dis. Au stade où joue le Real Madrid, quoi. Non, je vais pas. Ok. Allez. Ouverture du score par Marseille à la 22e minute. J'ai rien compris que tu dis. Laissez-le parler. Il parle, en fait, c'est Enzo, parce qu'il remplace John. Il fait la chronique de sport. Regardez, voilà, c'est tout. C'est un nouvel invité. Il s'est métamorphosé. Il s'appelle Enzo. Ouais. Ouais. Penalty à la 29e minute. But de Mbappé. Je vais pas ça. Deuxième minute. Il faut laisser qu'il finisse de parler. Après, vous allez parler. D'accord. Un partout à la mi-temps. 72e minute. Carton rouge de Dani Carvajal pour avoir fait comment on dit une insulte. Mikao, le goal de Marseille. C'est tout ? Et penalty à la 81e minute, malgré qu'il joue à 10, doublé de Mbappé sur penalty. Il inscrit son 50e but en blanc. En maillot principal. Score final 2-1. J'assume trop. Demain, je vais en Espagne. Tu pars en quoi, en Concorde ? Non, pour le match Newcastle-Barcelone. Ouais. Demain à 21h sur Canal+, foot. Ouais. Avant d'aller en Espagne, je vais le... Attends. Le match de Monaco. Ouais. Mais Paul Pogba ne commencera pas le premier match. Ou Ansu Fati, ancienne star du Barça, qui a été blessé. Le numéro 10, c'est Lamine Yamal maintenant. Mais lui, il est blessé, il pourra pas. Attention. Contre Newcastle, jeudi. Et ce soir, je vais au Parc des Princes. Contre l'Atalanta Bergame. Contre qui, la saison dernière, match nul contre Barcelone. Non. Et Newcastle reçoit la légende, le FC Barcelone. Fin de ma chronique. Bah, très bien, merci Enzo, on est remplacé à... Merci, merci, merci. Et vous partez, mon producteur. Et tu peux présenter un peu le prochain chroniqueur de comment ça va se dérouler cette session métamédiaque. Tu restes là ou tu pars jusqu'à 18h? Je pars jusqu'à 18h. Ah, je crois que tu... Deuxième carte, on va passer à Black Ace. Attends, tu peux parler au micro là comme ça. Autour de Black Ace. Autour de Black Ace, j'aime bien autour ça. Autour de Black Ace. Attends, là c'est bon là. Ok, Black Ace au microphone. Aujourd'hui on va parler de ce qui se passe un peu dans le monde là. C'est chaud. Entre Gaza et Israël. Le conflit il est depuis un moment, mais là ça prend une ampleur phénoménale. Politique, religion, humain. Social, tout. Poutine, il est chaud. Son premier ministre Vladimir, qui a dit que Macron ouvertement était un coq gaulois et cervelé quand même. Il l'a attaqué comme ça, verbalement, c'est chaud. Et si c'est chaud, parce que même si on se tape pas, ça va être chaud économiquement parce que la Russie nous tient. La Russie tient toute l'Europe en vrai économiquement. C'est pas qu'une question de territoire. Et donc demain, une grosse grève générale. Je vous invite à tous pas aller au travail en vrai. Faut vraiment qu'on bloque là tout ce système. Parce que la France, c'est pays des Lumières. Hein. Si on commence à tout bloquer, on pourra bloquer le reste. Mais commençons par bloquer notre maison avant de bloquer le reste. Parce que si c'est pas nous, on va le faire, c'est personne qui le fera, en vrai. Dans la religion musulmane, apparemment, ça a été écrit que quand la Palestine sera libre, quand elle sera libre, ça veut dire que ce sera la fin du monde. Donc, est-ce qu'on y approche à cette fin du monde ? C'est intéressant. Parle au micro, Christina, s'il te plaît. Christiana, non, mais j'ai pas lu le Coran. Et la Torah. Je sais pas lire de gauche à droite, donc non, je n'ai pas lu le Coran, mais on sait des choses qui sont réelles dans l'islam. Tout comme on sait qu'un réel musulman n'a pas le droit de boire de l'alcool. Bien sûr, c'est écrit dans le Coran et on le sait. Un réel musulman n'a pas le droit de... Non, moi, je suis pas. Moi, je suis pas musulman. Voilà, lui, il sait bien parce que... Lui, moi, je suis pas musulman. Il s'appelle comme les poètes. Et un réel musulman n'a pas le droit de... Tout comme il n'a pas le droit aussi, il n'a pas le droit aussi d'écraser des araignées, de tuer des araignées. Pourquoi ? Parce que les araignées, ça a été écrit dans le Coran qu'elles ont sauvé le prophète Mohammed. Bien sûr que je connais des personnes qui sont pieux, mais véritablement pieux, c'est des personnes qui sont discrets. Ils n'étalent pas la religion comme ci, comme ça, non. Ils la font pour eux, ils savent qu'ils la font pour eux, et c'est eux qui m'expliquent des choses par rapport à la religion. C'est des vrais pieux, des vrais pieux. C'est pas des gens qui essayent de m'instrumentaliser ou de me dire « toi, tu dois être musulman ». Non, ils parlent pas de la religion avec moi, c'est moi, je leur pose des questions. Et puis pour la Russie et Gaza, ok, on est ici, mais avec la mondialisation Internet et les médias, on sait tout ce qui se passe. On sait tout ce qui se passe. N'importe quoi, il y a des faux médias aussi. Il y a les fake news, bien sûr, il y a des fake news. Il y en a tout. N'importe quoi, il y a des fake news aussi. Partout, il y a des fake news, il n'y a aucune guerre. La preuve, le ciel, il est double. Regardez vers un peu. Le ciel, il est double. Regardez un peu la preuve. Tu sais pourquoi en France, il n'y a pas de guerre ? Les bleus. Ah oui, d'accord. Et ça veut dire quoi que le ciel est bleu ? Attends. Ça veut dire qu'il n'y a aucune guerre, le monde va mieux. Tu penses que la couleur bleue, ça veut dire que ça va bien ? Ouais. Ouais. Exactement. Peut-être, oui, mais ici, mais le ciel n'est pas bleu en Ukraine. Hier, il pleuvait, ça veut dire que la France, elle était triste, tu vois. Ouais. Et c'est pas fini. Vrai ou faux? Il n'y aura jamais de déluge. C'est pas fini, tu vois. Ouais. Dialoguer, c'est savoir écouter. À moi, mon œil perd. Ouais, vas-y. Ok, tu peux écouter, tu peux dialoguer. Donc, en fait, aussi par rapport à ça, comme tu as dit, il y a des fake news, il y en a toujours eu bien avant Internet. Le téléphone arabe, c'est pas nous, on l'a inventé. Ça a toujours été des bruits qui courent et qui traversent les ruelles et des populaces et allant même jusqu'au roi, jusqu'au bouffon, jusqu'au théâtre. Toujours il y a eu des messes basses, des paroles. Bien sûr, on est obligé de trier, on est obligé de filtrer, mais il y a des choses, elles sont vraies. Pourquoi il n'y a pas de guerre en France ? C'est normal, c'est politique. Ils en ont parlé. Ils ont dit en fait qu'ils ne veulent pas que la guerre... Attends, laisse-moi venir. Israël-Palestine, ils ne veulent pas que la guerre soit importée en France. C'est pour ça. Écoute-moi bien. C'est pas comme ça qu'ils ont créé le téléphone. Tu te trompes. C'est en prenant des fous de l'hôpital parce que comme leur cerveau il est amélioré en vrai, il est plus amélioré que vous leur cerveau comme Albert Einstein qui prennent leur théorie pour créer des trous, pour ingénier, biologiste et tout ça. Vrai ou faux, monsieur? Je sais pas, je t'écoute. Enfin, je suis pas en train de juger. Je te réponds. Tout le monde peut parler. Vrai ou faux, il y a un peu d'aide en fait, parce que je t'ai jamais parlé simplement de téléphone. Je t'ai parlé de téléphone arabe. Tu sais, c'est quoi ces jeux ? C'est quoi ? Donc, je vais dire, par exemple, je vais lui dire à ma voisine, le ciel il est bleu. Ouais. Elle va dire à Dominique, le ciel est beau. Ouais. Elle va dire à son voisin, le ciel est à bon goût. Ouais. Ainsi de suite. Et ça va revenir vers moi, mais pas avec le ciel est bleu. Ça va venir vers moi avec tout simplement le haut est d'une autre couleur. Non. C'est ça le téléphone arabe. Il explique qu'à chaque fois, il dit que tu fasses le message à quelqu'un d'autre, le message est un peu altéré. Moi, vrai ou faux, ce que j'ai raconté, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Moi, je suis pas dedans. Bah, moi, c'est pareil, je suis pas là pour juger. Et les Israéliens, vous savez pourquoi ? Je m'occupe pas de la politique, moi. Et les Israéliens, vous savez pourquoi c'est les plus forts ? Parce qu'ils étudient de tout le monde. Parce qu'ils étudient de tout le monde. Même des fous. Voilà ou faux ? Tous les trucs de sécurité, c'est des maniaco-dépressifs qui l'ont inventé. Ah oui, explique. C'est dans L'ultime secret du Bernard Werber. Ouais, c'est quoi ça ? Ah, c'est un film, ça ? Non, c'est un livre. Ah, j'ai pas lu. Il parle de quoi ? De l'hypophyse. Ah oui ? Dans le cerveau ? On a 8 hertz d'électricité à chaque fois qu'on fait l'amour. Et le gars, Samuel Fincher, qui a battu l'ordinateur, ouais. Il y avait une chirurgienne à Saint-Pétersbourg. Ouais. Sa fille a se drogué. Elle lui a mis un ressort à l'hypophyse. Ouais. Elle a fait en sorte qu'il fasse l'amour avec le gars qui était sur l'ordinateur, qui avait une puce et tout, qui commandait. Il a eu 19 hertz, il est mort d'extase. D'accord. Et il y a, il avait l'île Saint-Marguerite, une psychiatrie, le neurochirurgien, il était celui qui a battu Popov et tout le monde, là, Samuel Fincher, qui a battu les Sikiers, il était encore en train de faire l'amour avec la fille de la chirurgienne. Attends, ça fait rigoler à Enzo, là. Ouais. Moi, ça me fait... Mais c'est vrai, c'est vrai, il y a... Et l'île sur Marguerite, il a ouvert une psychiatrie pour les femmes hystériques qui leur faisaient faire l'amour. Et les maniaques dépressifs, des trucs de sécurité qui existent encore. Ouais. On appelait avant le maniaque dépressif, on appelait la folie circulaire. Ouais. Là, parce que t'es comme ça. Ou le cyclothymique. Ouais. Le bipolaire. Mets le micro un peu. Il faisait faire les femmes l'amour pour que leur côté dépressif parte. Voilà. Oui. Ah oui. Et les nymphomanes aussi. Faut le lire ce livre. Non, c'est faux. Bah si, c'est un livre, il te dit que c'est un livre. Doucement. Chacun, attends, comment il s'appelle le livre, tu peux dire? Jaurès, il est mort d'extase. Mais comment s'appelle le bouquin? Bernard Werber, L'ultime secret. D'accord, alors tous les radio-écouteurs de Pinot, allez lire pour la semaine prochaine. Ah, Spaido, vous propose ce livre. Voilà. Bernard Werber, je recommence, L'ultime secret. Celui qui a battu l'échiquier et tous les échiquiers. L'échiquier, c'est le blanc et le noir, le négatif, le yin et yang et le positif. Tu peux partir en train, s'il vous plaît. Mais tu peux parler avant de partir. Un tout petit peu, je parle un tout petit peu, puis je parle. Dernière question à me poser. Ramène un petit verre. De quoi? Oui. Ouais, dernière question à me poser, après je pars. On va lui poser une question oraculaire. Pose-moi une question, maintenant t'as voulu faire le show, pose-moi une question. Voilà, posez-lui une question. Ramène un petit verre. T'as voulu faire le show. Quel show? Il a fait le show de quoi? Mais il a parlé, tu as parlé en quelle langue? Il a fait un show business. Tu vois, show business? Non, vas-y, c'est pas drôle. Tu as fait le show business. Il est trop fort, Dominique. C'est bien le cognition. Le croque-mitaine est passé. Fait, tu sais, tu es le seul qui. En fait, tu sais ce qu'on va faire? On va enregistrer ton rire et tes blagues et on va les mettre en bas. Comme ça, tu vas faire rire à tous les paranoïaques. Tous les gens, ouais. Et on va mettre ta voix dans les rues, comme ça, à la radio, ouais. Avec tes blagues, ton humour, pour que tu fasses rire. Mon père m'a dit que tu iras loin dans la vie. J'ai vendu des caleçons montonnés et j'étais à l'épicerie, j'ai acheté un bidon de Cubi. Moi, je crois pas que ce soit une très bonne idée, Martin. C'est quoi ça? Bondi, quoi? Si on fait ça, si on met juste ma voix, ça va, faut pas mettre mon visage, je suis cascadeur. Il va finir comme un bête de foire. Il faut pas avoir peur à la moquerie. Hein. Ma question, est-ce que vous avez une question à moi? Oui, alors, posez une question. Où c'est qu'il est le pinard? Où c'est qu'il est le pinard? Mox, on m'a volé mon pinard. Est-ce que vous avez une question à moi? Moi, j'ai une question. Est-ce que l'automatisme est automatique? C'est qui volé un petit peu? C'est ça. Est-ce que l'automatisme est monogame et anatomique? Ça veut dire quoi? Ça, je comprends pas. Même moi, j'ai rien capté. C'est bon, on oublie. Vous aurez la réponse la semaine prochaine. Je vais me barrer là, sinon. Tu veux parler? Je vais me barrer là, sinon il... Tu peux partir quand tu veux, mais tu peux pas. Attends, mais avec Dominique, bah oui, dernière il te monte question. Le cerveau. Ouais, c'est vrai, Dominique, il monte le cerveau. Tu peux lui poser une question? Aminata, pose une question. Non, mais tu peux partir, Dominique, il te monte la tête, là. Dernière question. Tu veux qu'on continue le débat sur ce qui se passe dans Non, le non, non, s'il vous plaît. Tu veux qu'on continue le débat sur ce qui... Elle est où, mon débat? Attends, dialogons, s'il vous plaît. Please, dialogons, please. En fait, c'était Black Ace qui parlait déjà. Please, dialogons. Vas-y, Black Ace. Donc, tu veux qu'on parte sur ce qu'on parlait au début? De ce qui se passe dans le monde, un peu? Ouais. Ouais, c'est bien. Et pose-moi une question par rapport à ça. Ah, parce que tu penses que tu auras la réponse? Ouais. Bah, c'est un ordinateur, t'as oublié. Attends, Tu bosses pour la CIA, c'est ça? Tu bosses pour l'IA? Non, mais moi, j'ai bien aimé l'idée qu'elle est bleue. De Jacques Gerdin. Question autour de ça. Tu bosses pour l'IA. Allez. Moi, j'ai une question pour vous. Bon, bah, je vous dis à la prochaine, les gars. Attends, il a une question. J'ai une question. Ça m'intéresse de savoir. Donc, quand le ciel est bleu. Enfin, le rapport. C'est quoi le rapport entre la météo et du coup ce qui se passe dans le monde? Est-ce que t'as. Bah, c'est Allah qui nous a créé, qui met le soleil. T'as capté? Ok. Et Allah, il existe. Ok. C'est l'univers, mais là. Mais quand il peut faire un ciel bleu ici, mais pleuvoir ailleurs. Mon frère. De quoi? Il peut faire bleu ici, arrête, pleuvoir gris ailleurs. Arti, ma soeur. C'est vrai. En fait, je voulais. C'est vrai ce que vous dites. J'en ai même vu de la pluie ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que dans cet endroit-là, tout va mal et. Pas tout va mal. C'est une petite dispute, une petite bagarre ou quoi que ce soit. Quand ça va plus loin. D'accord. Ça veut dire que ça va mieux, quoi. Vous êtes ici dans l'endroit où on est. je suis pas dans la voiture, hein. Okay. Même en voiture, j'ai vu ça. C'est pas que de pays en pays. C'est bon? Alors, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a un psychanalyste qui dit ça, que les organes, c'est les étages de l'orgasme, et que le ciel est plein d'orgasmes, c'est pour ça qu'il est bleu. Ou la mer aussi, elle est pleine de bleu. C'est la particule de la. Ils appellent l'organe. Edgar Cayce, il soigne les organes avec des aliments. Et des cataplasmes, de térébenthine et de huile de lin. Ah oui. Bon, ouais. Là, ça compte à raconter n'importe quoi, donc là, je vais partir. Ok. Mouzamel, merci Mouzamel. Bravo. Mouzamel. Voilà, c'est Mouzamel qui était dans le. Qui nous parlait un peu du ciel est bleu, mais c'est vrai, il y a cette idée que le bleu, ça mène de la joie, de la paix, c'est pas nouvelle. C'est en pleine culture et c'est ça qui est intéressant dans la folie, que des fois dans la folie on arrive à une espèce de savoir universel transculturel. Voilà, et Black Ace, tu as fini ou ça continue? Non, moi j'ai fini. Et Jason, enfin Enzo, ça y est. Autour de Christiana et Sophie. Ah, Sophie, Christiana appelle ta partenaire là pour ta chronique de spiritualité. Viens là. Tiens. Ça dit quoi? Je veux pas. Tu vas où toi? Tu vas rien me toucher. Viens Dominique. On fait un changement de plateau. Il y a le nouveau chroniqueur qui arrive. Allô, chroniqueuse. Chroniqueur, chroniqueuse. La chroniqueuse. La grosse niqueuse. Oh là là, comment il t'a mis le truc. 100% Jésus. C'est vrai. 100% Jésus. Oh, excuse-moi. C'est vrai, je suis une grosse niqueuse. Non, je t'ai déglingué. Bon, on passe à la chronique sexualité et spiritualité. Des fois, je pense que je suis malsaine, mais non, je suis pas malsaine, c'est comme ça. T'es de l'avant. Mais je les écoute, je fais bien quand même. Des fois, vous ouais, me faites mais peur. Ouais, pour que les hommes, ils te respectent. C'est une fin, non. Il faut que t'imposes de respect mais aussi. Mais je m'impose. Il faut pas que tu t'imposes en tant que fille facile ou femme facile. T'as l'air facile. Elle est pas femme facile. L'air facile. Non, bien sûr, elle est t'as pas l'air facile. Non, mais non, elle pas facile. Elle est facile, n'importe quoi. Elle est pas facile. Elle est super compliquée. Mais quand tu me parles 5 minutes. T'as volé ma énergie, c'est qui? En vrai, non. Ah voilà, c'est tout. Voilà. Femme facile, c'est pas elle. Je suis une galère. C'est pas ma femme. Mais dingue. Dans quel bateau? Oh là là, pirate. Ah mais je suis une galère dingue. Oh, t'es les pattes. Ah ouais. T'as des batteries, n'est jamais fini ça. Les batteries quoi? Non, la piraterie n'est jamais finie. Non, jamais. Tes batteries sont jamais éteintes. Jamais à plat. Ah, tes batteries sont jamais éteintes. Jamais. Mais quand je dis je suis une galère, je parle mentalement. Ah ouais. Bah ouais, j'ai compris aussi. J'ai rigolé. Et moi je suis le Lego. Moi je suis un Lego. C'est vrai? Ouais. Bon. Je suis ton Lego. D'accord. Je suis ton Lego. Bien sûr. Lego. Heurtive. Ah, j'ai compris. Vous me regardiez, docteur. J'avais pas compris. Non, t'as de Lego? Ouais, je joue au Lego. D'accord, ok. Mais moi aussi, je joue au Lego. Je fais des briques avec toi. On fait un mur. On fait pas, le mur. Ça te dérange pas ce qu'il dit? Fait la mur. On fait le mur. Ouais, vas-y. Viens, on se casse. On se casse. Viens, on va arracher le sac de quelqu'un, on va faire du shopping. Ouais. Non, mais sérieux. Non, mais je suis sérieuse. Donc, Tu veux que ça soit moi qui vole? Ouais. Pour toi? Ouais, tu ferais ça pour moi? Ouais, si tu m'envoles. Ouais. Tu me l'évites? Oh, mais là, ça va trop long. Mais tu es bon dans ce que tu fais ou Ouais, je suis très bon. Je t'ai surtout chaud, mais en vrai. J'ai 18,05. Mais en vrai, tu passes à l'action ou tu blablates seulement 18-05. Oui, il arrive. Tu passes à l'action, Dominique, ou tu fais que parler en vrai? Ça dépend d'elle. Ah, ça dépend. Et ça dépend de moi. Et ça dépend de toi. Ça dépend aussi. Ah, ok. C'est pas moi. Ah, là, c'est pas bon. C'est un peu cru, là. Bon, c'est la dame du monde, moi. Vous allez parler de quoi aujourd'hui, Sophie et Christiana? C'est le statut de la liberté. Ouais. Christiana, tu voulais parler de quoi? Je t'aime. Mais abîme, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est vrai? Oui. D'accord. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Dominique. Je t'aime bien. Et quand je t'écoutais parler tout à l'heure, je me suis dit, bah, il fait pas que des imitations, en fait. Donc, ouais. Donc voilà, des fois t'es là mon colonel machin ou t'es mis Johnny. Donc voilà, tu fais un peu rire tout le monde. Que... Mais tout à l'heure quand t'as parlé, c'était carré. Non, mais c'était, moi, c'était l'osange. Major, c'était cube. Capitaine. Ah, mais complètement, ouais. Mais tu as vu tous les poèmes qu'il a écrits, Dominique là, ouais, il a arrivé. Regarde là, les poèmes. Là, dis, tu arrives à me lire devant toi. Je mets mes lunettes, mais je vais les lire. Vas-y. Et j'étais. Waouh. Ah, et raflé. Attends, ouais. Sophie, tu veux parler de quoi? Il est très vieux. Quoi, 64 ans, hein, ça te dérange pas? Ah non, ça fait trop longtemps. Ouais, mais tu me fais pas chier, hein. Non. D'accord. Non, c'est tu dors vite, toi? Ouais. Donne pas. Je conseille pas de le voir. Bon, vous voulez parler de quoi, les filles, là? Je sais pas, moi, je... La Christiana, elle t'attendait. Prends une feuille, là, devant. Christiana, vas-y, tu peux lancer le sujet. J'ai pas de faux. Un petit câlin, je m'endors. N'oublie pas de voler le sac. Oui, un petit fromage. La banque m'a appelé, j'ai plus rien. N'oublie pas de voler le sac. Je te ramènerai de l'argent. Je veux pas ça. Mmh. On se fera un bon resto tous les deux. Ouais. Un resto. Bon. Un resto de crustacés, petit vin blanc, tranquille. Ah ouais, bien. Non. Oui, Christina, je t'écoute. On parle de quoi aujourd'hui? Ah, je oui, sais attends, pas. Je vais parler de quelque chose. Vas-y. Non. Ah, je veux pas parler de ça. Bon, bah, on parle pas de ça. Lis un petit poème, Sophie, devant toi, là, il y en a. D'accord. Non, je vais parler de quelque chose de particulier, mais je peux pas parler de ça ici. Bah si, tu peux parler ici, vas-y. Bah si, moi je m'en fiche. C'est ton moment pour parler, Christina. Ah oui. C'est la chronique de... Bah c'est la seule, ouais. Et la caisse, tu peux donner le micro à Minata. Sophie, comment il y a personne? Il y a personne. T'es toute seule. Bon bref, t'es pas mariée non plus, toi, ça se voit. Vas-y. Quand t'es toute seule, il n'y a pas de mec. Bah oui, ça arrive, mais heureusement, t'es malade ou quoi? Je vais pas supporter tout le monde. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, Christina, des fois, la solitude, ça a du bon. Hein. Des fois, les gens, ils peuvent être emmerdants. Hein. Et quand ça m'est déjà arrivé de refuser un rencard, Christina, même si le mec était... Mignon. Était mignon, ouais. Ça se parle. Mais le gars, il faisait chier un max. Et moi, tu me considères mignon ou quoi? Ou un petit attends, mais l'autre... Bon. Dominique, la vie a pas de cadeau. Tu voulais parler de quoi? Oui, vas-y, toi peut-être. Quand t'es toute seule. Oui. T'as des envies. Comment tu fais? Qui comment ils font les gens? Ah, quand j'ai des envies. C'est ce que j'envoie un message. Non. Elle demande quand t'es toute seule. Oui, j'envoie un message à quelqu'un. Non, quand t'es toute seule. Quand t'es toute seule, voilà. Où ça? Quand t'es toute seule que. Dans ma chambre. T'as pas d'homme et. J'envoie un message, moi. Oui. Je ne sais pas ce que fait Christina. Non, moi, j'envoie un message. Le premier qui répond, c'est bon. C'est se débrouiller avec son corps. Elle a dit. Ah, se débrouiller avec son corps. Oui, Christina. Bah, tu veux parler. C'est le sujet qu'elle voulait. C'est pas une obsédée sexuelle, c'est une femme. Bah, ouais, merci, Dominique. Pas de femme. Comme tu il y a des gens, ils ont pas de mari, pas de femme, ils sont tout seuls. Comment ils font? Oui. Ça fait 3 mois qu'ils ont rien fait. 3 mois? Je t'ai déjà prêt, Sophie. Quoi? Enfin, pas toi! Oh non, je veux dire un truc. Moi, Christina, moi, j'envoie des messages. S'il y a quelqu'un qui répond, tant mieux. S'il n'y a personne, je me mets un petit film érotique. Donc voilà, après, toi, je ne sais pas comment tu fais. Tu lis des livres le soir? Trois mois. Ouais, tu parles pour m'arrive. Qui? Tu parles pour un homme ou pour une femme? Pour un homme, d'arrivée, je te donne tout de suite la réponse. D'après toi, les prêtres, les cardinaux, ils font comment? Même s'il a des plaintes. Ceux qui ont fait vœu de chasteté. Ceux qui ont fait vœu de chasteté. Et j'ai lu le livre Le Train. Ça, la fille du train, il est super. Et on parle un à la fois, s'il vous plaît, parce que sinon. Et puis après, là, je sais pas quoi lire. Pourquoi toi, t'as fait vœu de chasteté? Non, moi, non. Donc, mais moi, je suis volage, donc ça compte pas. Il n'y a plus de. ça compte. Il n'y a plus de fantaisie. Attends, donne le micro à Minata qui veut parler. Il n'y a plus de fantaisie non plus. Mais ça, c'est des personnes qui ont fait vœux, c'est pas pareil. J'ai acheté le livre, cher connard. Black Ace a fait un vœu. Hein. Comment est-ce ça? Non, mais non. Il est volage, il a dit. Donc ça, c'est clair, c'est réglé. Non, non. Même ça, c'est boss. Black Ace, il a fait un vœu à la radio. Voilà, il faut que la radio, il n'y a pas d'autre. Il a des radio sexe. Non, Sophie, vraiment, sérieusement, déjà. Non, je me touche pas, moi. Elle veut en venir à ça, justement. Pas un problème. Non, c'est à ça qu'elle veut en venir. Mais Dominique, justement. Il t'a bien répondu. Dominique, tu te fais quoi, Dominique? Et non, il t'a bien répondu quand il a dit t'es un être humain, t'es une femme, t'as des envies. Il t'a mieux répondu que moi. Ouais, tout le monde. T'as le droit de faire ce que tu veux. Hein. Bah, oui. C'est ton corps, de toute façon. Comme tu dis, Christina, t'es toute seule dans ta chambre. Voilà, t'es toute seule. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas devant tout le monde. Voilà. Ouais. Tu déranges personne, tu fais chier personne. Tu fais ce que tu veux, t'as le droit. Parce que toi, Dominique, t'es dans l'onanisme. Ah, pareil, je fais rien. L'unanisme. L'onanisme, ouais. T'es dedans? Pour l'instant, ouais. Ah. Et c'est quand que tu quittes l'onanisme? Bah, je sais pas, quand j'aurai une femme. Et c'est pas en projet? Ouais. Mais c'est comment le projet? C'est quoi la tactique? Ah, la tactique, c'est la tactique du gendarme. Sinon l'appareil il est toujours en place. Ouais, mais il est à gauche. Il est tout petit, il comme ça. Il est tout petit. Non, la taille ça compte pas. Bah, j'ai la gaule le matin, comme tout le monde, hein, comme tous les hommes, non, j'ai la gaule le matin. Ouais, c'est ça. Ah, je vais pisser à un coup, ça redescend et terminé. J'arrive pas à te les cacher. Ah, t'arrives pas à dégager? Non. C'est bon, on m'a dégagé, c'était gris. Il est Viagra, là, les pilules bleues. Quand il y a longtemps que t'as pas fait l'amour, ton spermatozoïde, il est gris. Il est sale, ouais. Ah ouais? Il est sale, ouais. Ah ouais? Sérieux. Ah ouais? Bah, dis donc. C'est pour ça qu'il y a des trisomiques, peut-être. Ah, peut-être. Ou des malformations. Ah, je savais. Comme un prêtre qui a jamais fait l'amour, qui se désiste et qui fait l'amour, eh ben, ça peut donner sûrement un enfant mal formé. D'accord. Ah, ok. Docteur omniscient. Elle marche, ma mayonnaise. Elle marche. Ma mayonnaise, elle est où? C'est avec Sophie. Et quand tu prends des médicaments? Son sperme, il a macéré. Ouais. Mon sperme a macéré en jus de citron. Mon sperme a macéré en jus de citron. Et quand Dominique, tu prends des médicaments? Des médicaments pour quand t'es malade? Je prends du Viagra. Voilà. Ah ouais, t'as raison. C'est vrai que ça accélère le rythme cardiaque. Ouais. Il faut J'arrive à contrôler mon cœur, moi. Mais il faut le prendre combien de temps avant l'acte sexuel? Oh, une demi-heure, une heure. Ça, tout seul, pendant deux jours, t'as la gaule, c'est pas bien. Hein. Surtout ouais, pour ceux qui sont circoncis. Hein. Mais ça redescend jamais. Il y a une maladie sur ça. Moi, j'ai la maladie du fumosi. Parce que quand j'étais petit, je me décalotais pas. Donc, on m'a coupé la languette. Et j'ai une petite croix sur ma queue. On t'a fait une circoncision, je connais, c'est quoi un phimosis? Ouais. Ah ouais? On t'a circoncis, ouais, c'est quand ouais, c'est... tu. Non, c'est pas pareil. C'est quand tu peux pas. C'est pas pareil, tu as la enlever jusqu'au prépuce, ouais. Bah, je suis un con, je suis circoncis. Non? Pas toi? Non. Excusez-moi. Et c'est les urologues qui te diagnostisent ça, le phimosis, normalement. Comment? C'est les urologues, normalement, qui te diagnostisent que... ça. Mais non, hein, oui. C'était pas un urologue, c'était un je bug. Un astrologue. Oui, t'as de beaux cheveux. Merci. On dit que c'est ceux qui manquent d'infection, ceux qui se touchent les cheveux, les femmes. Non. Non? On dit que c'est celles qui sucent beaucoup. Ah ouais? Ouais, elles sont souvent comme les ça. Les cachous? C'est vrai. Elles viennent d'où vos sources? Elles sont vraies? Elles sont vraies? Moi j'aime pas c'est de la merde. C'est pas vrai. T'as pas demandé tes sources, hein? Mes sources? C'est des conneries. Mes sources, moi je te les donne, mes sources. Vous pouvez pas leur dire d'arrêter de parler de n'importe quoi? Mais c'est du sexe, c'est rien, c'est la vie, mon cher ami. Pas de sexe. Mais t'étais pas sorti, toi? Sexe et spiritualité. Le sexe, c'est rien. Ça, c'est l'ambiance. Il est rentré pour moi, c'est un homosexuel. Ah ouais, ah d'accord. Le sexe, c'est rien, mon cher ami. C'est rien, c'est la vie, tout le monde fait l'amour. C'est bien parlé, Christina. Je n'ai rien demandé, vous. Ce qui me rentre dans les fesses ne rentre pas dans le tien. Toi aussi, d'affaire. Ah ben. Monsieur. Oui, oui. Vous pouvez pas les dire d'arrêter de... Bon, écoutez, on va passer à un autre sujet parce que... Parce qu'on va brûler en enfer. Non, c'est fini, la chronique, là, on passe à une autre chose. Tu veux parler de quoi, hein? Quand il sera rouge. Ah, ouais. Enfin, j'aimerais dire... Que les gays, les lesbiennes, je vais les envoyer en enfer, moi. Ah, donc... Quoi, tu vas les envoyer en enfer? Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal? Bah t'y vas alors, le premier, on t'attend. C'est des gros salopes. Arrête, tu bêtises. Là, je suis pas d'accord. Même si c'est pas mon vieux, mon truc, je suis pas d'accord. Non, là, t'abuses quand même. Il est épais, mon cahier. Ah, Sophie, il est épais, mon cahier. Ouais, il est épais, ton cahier. Je comprends, en plus, moi et vous. T'as un gros stylo? Ouais, on va parler en langage codé parce qu'il fait genre, comme il veut. Il a jamais rien fait de sa vie, il n'est pas comme nous. Déranger les autres. Voilà, donc fait... t'as un gros stylo, t'as une grosse règle. Ils sont d'accord pour être homosexuel, il n'y a pas de souci. Hein? Bon, non, écoute. Exactement pour. T'as une grosse épée dans ton fourreau. Ouais, ouais. Ça c'est pas mon problème. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on peut parler? Exactement. Mais on parle en langage codé parce que évidemment. Bah après. Si les homosexuels directement, c'est aussi. Pourquoi ils sont ruinés dans la rue, là, comme ça, là? Mais pourquoi tu te moques des homosexuels? Je n'ai pas vu des gens ruinés comme ça en la rue. Des gens pédés, ils sont pédés. Ouais! J'ai le droit d'être pédé, on ne peut pas les juger, on ne peut pas les juger. J'ai un éventail à prêter, Sophie. Merci. Monsieur. T'as déjà couché avec un garçon? Non. Bon, ça la, c'est la question qui me plaît pas. On m'a violé. J'étais sous opium, on m'a violé. On va flencher. Attendez, ouais. Là, c'est sensible, sujet sensible. C'est pour ça que j'ai fait ça, Jérémy, tout de suite. Sensible, j'ai fait on va flencher. Ouais. Tu le savais ? Sensible, sujet sensible. Tu t'en doutais ? Non. J'avais en parlé, Dominique. Moi, je croyais que t'étais. Ouais, j'avais 18 ans. Je croyais que t'étais un peintre maudit qui avait pété les plombs. Je croyais que t'étais un mec rock'n'roll, je te jure. Que t'étais un peintre, que t'avais pété les plombs, que t'entendais des voix et que t'avais atterri ici. Ouais, bah ouais, un peu. Ah bon, bah j'ai bon alors. Ouais, j'ai bon. Enfin, Ogni, dans une autre vie, il lisait des poèmes. Moi, je l'ai vu lire des poèmes à Paris avec des slam poetry. Wow. Avec Pilote Lechot et tous ces gens-là. Un salut à Pilote qui, tous les mardis, fait des slams encore à Belleville. Et grand poète, lui. Depuis toujours. Oui, mais Dominique, vous avez fait une dédicace, docteur? Non, parce que je l'ai vu avant qu'il soit. Je l'ai rencontré avant qu'il soit à l'hôpital psychiatrique. J'ai ah bon? Il faisait de la poésie avec les slams poètes. D'accord. Voilà. Et il va revenir, là. Son passage en psychiatrie, ça ne va pas durer trop longtemps, là. Non, j'attends mes lunettes et après, je suis un serpent à lunettes. Voilà, avec ses lunettes. Un nœud avec ton serpent à lunettes. J'ai du venin. C'est vrai? Un bon venin. Mais celui-là, il est un peu tourné ou. Tu sais à combien d'heures il va le venin? Non, mais là, on pète les plombs. 250 hein à l'heure, le venin. Le mien, il va à 300. Ah, quand même, hein. Ouais, 300. Il t'éclabousse. Quand même. Je fais pas ça. Ouais. Bah, tu fais ta rubrique foot. Bon, on va passer à la prochaine chronique. Et Enzo. Il est mort de rire. Enzo Gérard. Qui va nous parler. Enzo, il arrive, là. Enzo. Je l'ai pas vu dans la forêt, Adrien. Adrien. Voilà. J'en ai marre de sauter. Ouais, un peu. Ouais, je me calme. Mano, Nascimento, amor. À toi, Nascimento. Bah, il va parler du même sujet que nous. C'est pourquoi? Non, pas du tout. Amour, c'est pareil. Amor. C'est pas pareil. Amour, argent, c'est quoi l'amour, argent? Toi, homosexuel? Toi, c'est homosexuel? Non. Black Kate, tu peux donner le micro à Aminata. Un tuto. Qui c'est qui a dit ça? Là, à côté. Ah, sur l'autre là-bas? C'est pas mon problème. Ouais. Hein. J'ai t'as donné ton numéro. Quoi, homosexuel? Ah, d'accord. Faut y aller doucement, c'est sa première fois en tant qu'animateur. Rentre chez toi, rentre chez toi. En tant qu'animateur, faut aller y aller doucement. Ma purée, toi. Faut y aller doucement. Attends. Et toi, t'es homosexuel, t'as donné ton numéro. Fais ta chronique. Fais ta chronique. C'est quoi? Parle, tu veux dire quoi? Amour et plata. Plata, amour. Amour, argent, plata, et beauté. Dinero. T'as volé Bernégie, c'est qui? Hein? Je suis un bâtard qui coupe les bâtards. J'ai du pain dans la planche. J'ai rien compris. C'est quoi? Tu veux parler de quoi, Nascimento? C'est comme ça on dit en espagnol. Attends, tu t'as volé Bernégie. MDR, il est venu en retard aujourd'hui. Dineres, Dineros ou Plata, c'est comme ça qu'on dit. Laisse Nascimento, c'est pas fou de l'argent. C'est Dineros. Tu t'en fous de l'argent, attends. Et amour, ça se dit amour, c'est ça? Ouais. Et c'est de ça que tu vas nous parler, non? Bah ouais. Vas-y, parle-nous de Plata, Dineros et amour. Mais il faut le laisser parler. Laissez parler à Nascimento, s'il vous plaît. Il a pas laissé en place et une. Vas-y. Regra número 5. Não dê amor, vai lhe colher. Eu não compreendo rien du tout. C'est pas grave. Laisse. C'est pas grave. Continue. Donne pas de amor. Amor, c'est l'arme. c'est arme. C'est tout. Mmh. Oui, d'accord. Vamos, vamos. Oh, c'est beau. Vamos. Je donne pas amour. Maya pas Dios. De l'argent. D'accord, en fait, tu es martien. Tu viens de quelle planète? Moi aussi, je suis un peu martien, non? Le sauvage. Ah, d'accord. Bon. Est-ce que les anges vous ont du sexe? Vous avez un dieu dans votre planète ou pas? Non. Ouais, il sert pas à grand chose aussi. Amour. Non, mais moi, le mien, il sert pas à grand chose, hein, je te le dis. Hein. J'ai pas compris que tu dis. Non, tu viens de quelle planète? Attends. La planète Titan. Ah, ok, d'accord. La satellite Titan. C'est okay. Pas vrai. Amour. Ou alors Marvel, c'est t'es qui? Amor Corazon, c'est ça? C'est lui qui, le dieu de la malice. Corazon, c'est dur cœur et amour, c'est. Amour, non? Sophie, ouais. Tu brilles. Corazon. Ouais. Amor. Sophie, tu brilles. Merci. C'est Dios. Il y en a plus tout le monde. Ah, c'est le dieu. Ouais, j'ai cassé là. Merci. Oh, ouais, dieu. Oh, oui. Continue, développe. Une langue. Ouais. T'as là pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, ouais. Il est dépendant. Bah, les luxe surtout. Allez, quoi, luxe? Ah, le luxe. Je suis du luxe. Faut que je refasse la carte galerie Lafayette. Oh, Margot, allez où, mon jus? Bon, on attend assis maintenant un peu quand même. Dans Marvel, t'es qui? T'es Thor, t'es Superman, t'es Spider-Man, t'es Black Panther, t'es qui? Ou t'es Captain America? 100% Jésus. Ah, Jésus. D'accord. Donc t'es B+, alors, le groupe 100, c'est le Jésus. Je crois qu'il parle de... Ah, Jésus! Ok. Ah, mais non! Un peu en portugais. D'accord. Non, on a dit d'accord en même temps. Tout bien. D'accord. Bon. Je sais pas si c'est le bon plan d'être 100% Jésus. Je crois que c'est mieux d'être franc-maçon en ce moment. C'est plus populaire. Hein? C'est plus populaire. T'as des relations, puis t'as de l'argent. Donc voilà. La team Jésus, je sais pas si en ce moment ça a la baraque. Hein. Oui, j'ai au thème Jésus. On n'a pas la cote en ce moment. Donc pas de fric, rien, on est prioritaire sur rien. Mais si tu changes d'équipe en ce moment, ouais. Team franc-maçon ou team... Moi, je suis Saint-Dominique, je protège Jésus. Pire, je sais ce que je vais dire. Donc voilà. Tu sais parler espagnol et portugais? Non. Ou team un peu bourge, comme parce ça, t'as des relations. Tu peux leur taxer un peu. Ouais, tu vois. Bah ouais, mexicain, il faut lui parler en mexicain, en capverdien. Ah, tu sais parler comme capverdien? Non, je suis ouvert. Je suis vert peut-être, mais... Il est au petit vert. Robak tout Jamie, ça veut dire vert de terre en polonais. Robak tout Jamie. Sophie, Robak tout Jamie. Du coup, il sait plus ce qu'il voulait dire. Tu parles de quoi? Ouais, il sait plus ce qu'il voulait dire. Et Jérémy lui a posé 10 questions en une seconde. Donc ça fait qu'il est en train de trier. Il se dit, je réponds à quoi? Sophie, c'est toi Wonder Woman? Il va trouver... Attends, mais on parle à Nascimento là, déjà. Il veut pas parler. Si, il parle. On écoute, il faut l'écouter. Oui, j'ai parlé français. Tu parles français, portugais, tu parles ce que tu veux ici. Hein. Y a pas... On peut parler en différentes langues. Bah oui, bien sûr. Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Non, Saint-Terre, il m'a dit un truc. Saint-Terre, il m'a fait rigoler. Dis amour. Bon, docteur, pour le montage de la colombe, c'est quand? Mais là, tu sors de sujet, là, on parle d'autre chose. Mais il parle pas. Mais si, il était en train de parler. Ah bon? Ok, bah vas-y, parle. Dis amour. Ah, t'es musclé, hein, Sophie? Mais non, je suis pas musclé, arrête. D'après, c'est lui ou quoi? On écoute Anacimène, tu te parles de Dieu et d'amour, on parle plein de choses. D'être sérieuse. Voilà, il y a le chroniqueur gastrosophie qui est arrivé. Dieu et amour, il y en a pour tout le monde. Tu crois que Dieu est amour, franchement? Dieu et amour, il y en a pour tout le monde. Docteur Serre. Faut être franc-maçon. Il les appelle. Faut être pote avec des gens friqués. Voilà, il y a notre chroniqueur gastrosophique qui va après, mais c'est notre... Christiana, mets le micro plus proche. Enfin, mets le compte 3. Il a posé 10 questions en une seconde, il ne sait pas laquelle répondre. Non, si, il a répondu à tout. Hein. Tu te rappelles quand on avait foutu le bordel dans le bus il y a 2 semaines? Oh là là. Nascimento, tu as fini ou tu veux continuer à parler? T'as fini. T'as fini. Et après c'est moi qui me fais engueuler. Nous aussi on écoute, tu vois. Après, c'est moi je suis vraiment capverdien, c'est pas une blague. On écoute. Ouais. Bon, et Et Enzo, est-ce que tu peux... Là, il y a notre chroniqueur gastrosophique et il y a MTR. Donc, il faut que tu passes la parole à notre chroniqueur de la gastrosophie, là. Tu prends la micro et Jérémy, tu donnes au chroniqueur là, les micros. Et un casque, peut-être. Tu le prêtes des casques. Non, en fait, tu bouges de ta place. Et tu bouges. Voilà. Ok, bien fait. Ouais. Donc, parlons gastrosophie. Est-ce que vous savez ce que c'est que la gastrosophie ? À manger. Non. C'est trop résumé. Ça vient du grec, ça veut dire sagesse. Donc, en gros, si on peut le traduire, c'est ça. Si je peux le traduire, je suis une meuf bien. Pour manger équilibré, en fait. Ouais. Si on peut le traduire, je suis une meuf bien. Oui, docteur. Ouais. C'est le savoir sur l'alimentation. Sur le se nourrir. Ça parle pas de moi, donc ça m'intéresse pas. Sur le se nourrir. Donc aujourd'hui, je mâchouillais quelque chose avant de venir et j'ai eu l'idée. Quand on met quelque chose dans la bouche, qu'est-ce qu'on fait ? On mange. Ou pas ? Non, on aime ou on n'aime pas. On n'aime pas. Et puis... Alors, il faut goûter à tout. Il faut mâcher. Pour mâcher, il faut avoir des dents. Pour avoir des dents longtemps, il faut les soigner. Est-ce que tout le monde ici s'occupe de son appareil de mastication ? C'est cher. Voilà. Donc, il faut qu'on se batte pour que l'accès aux soins dentaires soit moins cher. J'ai pas pris le dentier, donc je paye. D'accord. Par rapport à ça, c'est pas François Hollande, il a fait un discours sur les sans-dents. Franchement, ça a été bien, en vrai. Oui, il a voulu faire une vanne, mais bon, il n'est pas très bon. Hein. Il n'est pas très drôle. Hein. Donc, je pense qu'il faut qu'on commence à penser. Oui, monsieur. Il y a un japonais qui a inventé une poudre qui a refusé de pousser des dents. Il a voulu faire. Ah. Et ça, il faut attendre que ça passe aux États-Unis et tout ça. J'ai connu un Brésilien qui a inventé une poudre qui désaltère. Le problème, c'est qu'on ne peut pas consommer la poudre si on ne la dilue pas dans l'eau. Alors là, ça pose problème. Parce que, bon. Je ne sais pas comment ça se présente, mais ça va arriver en France. Hein. Oui, il y a un japonais qui a inventé une poudre à faire repousser les dents. D'accord. Ils l'ont dit. Ça va être en chantier peut-être sur Paris. D'abord, il faut que ça passe par la Chine, les États-Unis. Les États-Unis, ça viendra en France dans 2-3 ans, je pense. Donc quand on mange, la porte d'accueil des aliments, c'est la bouche. Oui. Donc c'est le lieu d'accueil. Vous voyez ? C'est la chambre d'accueil. On accueille les aliments dans notre petite bouche et puis on malaxe, on tourne à droite, on tourne à gauche, on se sert de la langue, on se sert des dents, on se sert de l'olfat. Tu penses à la même chose que moi, Christina. Oui, moi aussi. Ouais. Oh mon Dieu. Mais c'est fou, hein. Ah. Les dames m'indiquent que la bouche ne sert pas qu'à manger. Sophie. Non, Christina mange. Ah, d'accord. La bouche, c'est une autre nourriture. Voilà. Ah, Sophie. C'est une autre nourriture. J'aime bien le faire. Oui, je le fais bien. D'accord, moi. D'accord. Mais moi, je suis un peu innocent. Vous savez, pour moi, la bouche, c'est pour manger des aliments. Ça se voit d'ailleurs. Hein. Donc, d'accord. Donc, la bouche a plusieurs fonctions. Comme la bouche est une richesse que nous avons, prenons-en soin. La bouche sert aussi à embrasser, à exprimer l'amour. Vous voyez donc que la bouche n'est pas qu'un objet d'accueil, c'est un objet aussi d'expression. La bouche nous aide à chanter, à parler. Comme les Russes. Un objet de survie aussi. Hein. La natation, quand on nage, on souffle dans l'eau. On souffle dans l'eau. Donc c'est une voie alternative à la respiration. Voilà, c'est la survie, la natation. Mais quelle richesse, cette bouche. C'est grave. La survie, là. Vous voyez ? Et donc gardons nos bouches en bonne santé. Parce que nos bouches parlent. Nos bouches respirent. Nos bouches chantent. Nos bouches boivent. Nos bouches mangent. Embrassent. Nos bouches embrassent. Voilà, et plus si affinité. Embrassent aussi. Mais si affinité, mesdames. Parce qu'il n'y a pas d'affinité, il ne faut pas qu'elles aillent plus loin. Parce qu'il faut que nous soyons tous consentants pour l'amour buccal. N'est-ce pas, madame ? L'amour Moi, buccal. J'ai dit embrasser, lui dit amour buccal. Toi, t'aurais dit quoi, Christiana ? Embrasser. Ah, bien. Embrasser. T'as failli dire autre chose. Rouler donc, rouler de pelle. Donc, rouler des pelles. Donc, passons à l'œsophage, parce que du coup, il n'y a plus. Et puis, tu te roules une pioche, Sophie. Oui. Tu te roules une pioche. Est-ce que ta bouche est propre ? Mais quoi ? Oui. Voilà. Oui, elle est belle. Moi, ça a coûté cher. J'ai pas la mutuelle en plus. Donc, j'aime bien partager ma chronique parce que nous sommes tous des chroniqueurs. Vous savez, la chronicité de la vie nous impose une expression. Quand on est chronique, on subit. Et quand on est chroniqueur, on ouvre notre gueule et notre bouche et on parle et on dit des choses. Donc vive la bouche, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la bouche. Bon, mais on est censé... Donc faites un geste pour vos bouches aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur, dame. Voilà, un baiser, merci. Et comme j'ai dit, demain personne ne travaille. Hein. Sophie, tu travailles pas demain, docteur Serra. Demain, envole-toi. Ma tête n'arrête pas de travailler déjà. Et j'ai décidé de ne pas me rendre à une réunion médicale à l'hôpital, dans une réunion administrative, pour rester ici avec vous. Vous voyez ? Donc je vais sécher une grande réunion importante des médecins, parce que nous serons tous en grève pour demander des meilleures conditions de soins, des meilleures conditions d'accueil pour nos patients et des meilleures conditions pour la santé publique française qui, malheureusement, est un peu négligée. Bravo. C'est quoi le rapport avec la bouche ? Parce qu'il faut l'ouvrir, la bouche. Il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. Et donc, je vous invite tous et toutes, j'en profite de l'occasion, le 2 octobre à 9h30 du matin, moi et Martin Carrasco Baquero, nous allons présenter notre travail autour des activités culturelles et artistiques dans une grande salle parisienne, boulevard de Montparnasse. Vous êtes tous invités à venir. L'entrée est gratuite pour ceux qui se déclarent amis de Martin. Il suffit d'arriver et dire je suis ami. Pour la radio, pour les gens de la radio. Je viens pour la radio. Il y aura les copains du Papotin, d'Anthony, et il y aura plein de monde. Ce qu'on appelle là-bas à Paris les personnes concernées par les soins psychiques, c'est un terme sympa. Autrefois, on appelait les fous, après les usagers. Et comme l'usager, on ne sait pas dans quel sens on le dit. C'est où ? C'est boulevard de Montparnasse. Et on va mettre une affiche quelque part. À partir de 9h du matin ? 9h30, ça peut être 10h, mais c'est la matinée. Docteur, jusqu'à midi et demi. On parle de fou, en fin de compte, dans le dictionnaire, c'est folle, F-O-L. Folle, mais c'est le terme ancien. Oui, le terme ancien. Un fol amour. Je l'ai défini dans le journal du vendredi. Ah, mais c'est écrit. Il y a longtemps. L'amour, c'était une bonne référence. Un fol amour. Et le feu, c'est Fox. Le feu, le vrai Fox, P-H-O-X. Le vrai nom du feu, Fox. Ah. Alors le foyer, de profiter. Le foyer en grec a eu beaucoup de transformations et il a donné au bout de quelques siècles le mot utérus. Le mot utérus est dérivé du mot foyer. Oui. Vous voyez, parce qu'on est logé, c'est notre première maison chez maman souvent. Amniotique. Comment ? Amniotique. Amniotique, nourri logé. Hein, nourri, logé, échauffé. Hein. C'est pas vrai. Nourri, logé, échauffé. Et la bouche n'est pas encore en action, sauf pour sucer son pouce et commencer à exercer cet plaisir de la mastication et voilà, de la vocalisation et de la buccalisation. D'accord. Donc vive la bouche, prenez-en soin. Hein. C'était pas mal. Vive la bouche. Ouais. Merci beaucoup pour votre écoute. Et vive les soins bucco-dentaires. Hein. Voilà. Merci, c'est la chronique de la gastrosophie. Et là, alors Enzo, on passe quoi maintenant ? Merci. Place à MTR Freestyle. À quoi là ? MTR Freestyle, attends, on va mettre quoi MTR ? Qu'est-ce que tu veux qu'on... Attends, je cherche autre chose. Là ? MTR 93 sans l'équipe. Oui. Remets. Non, prends ça. Ouais. C'est bon. Bah, l'équipe tranquille. Ouais, ça va, mec. Ouais, tranquille. Bah ouais. MTR 93 sans l'équipe. Le métro. Sans courant est devenu une capitaine, le pirate. C'est la piraterie. Elle chasse des gens. C'est comme Freddy. Il est ténébreux. Il sort le chakra de son corps parce qu'elle a bu du whisky coca dans la bouteille. Elle est trop folle parce qu'elle est devenue bizarre. Elle est ténébreuse avec des yeux bizarres. Elle porte des loups, mais elle porte pas de jumelles, des lunettes de soleil. Elle est très méchante, vulgaire et violente. Elle sort ses ténèbres, ses griffes et ses ailes de chauve-souris. Parce qu'elle rigole, elle rigole très fort. On dirait Caraba la sorcière. Elle est sauvage comme les fétiches Kirikou. Elle broie les aliments comme Tyson. Elle a broyé les gens. Tyson a mordu les oreilles de son boxeur. C'est pareil que Sakura a fait. Elle a mordu les gens. Elle sentait les gens, ça s'élève pourri. Parce qu'elle est venue sur terre. Le terrain est passé et miné. Elle voit les gens. Elle a attrapé tous les gens et défoncé avec un armatio. Elle a pris le bâton comme Ninjago pour mettre des bâtons dans les rues. Elle vient dans la rue de Japon. Elle a fait comme Mortal Kombat. Elle est tous assassinés. Tout le monde est nul comme un squelette. Le squelette est bien ténébreux. Quand il se lève, la tombe se réveille. Le jour qu'elle se lève, c'est comme le soleil. Bien jaune. Elle boit de l'eau, mais c'est du poison. Bien rouge. Le poison était un alcool, substance chimique. Pour les personnes ténébreux. MTR, c'est le métro, mais ténébreux. Avec ses griffes, quand il sort des chauves-souris. Et ouais. Il bat ses ailes, on dirait c'est ténébreux. Elle sort ses doigts et ses canines, c'est bien enflé. Elle voit tous les mondes qui sont morts. Elle se réveille, c'est ténébreux. Et c'est magie, elle se lève comme Caraba la sorcière. Elle voit tous les gens qui sont possédés. L'armée possédée, tous les soldats arrivent en gardien galaxie. Elle voit tous les gens qui sont possédés. Elle est possédée de Caraba la sorcière. Elle mord le poison quand elle est un vivant. Elle est gentille. Elle est très gentille parce qu'elle a pris le poison. Mais le poison est ténébreux. Elle devient gentille comme Caraba la sorcière. Elle voit Kirikou, elle épouse. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Avec toi, MTR, et de Dominique aussi. Bon, sur un instrument, on va faire ce qu'on appelle un passe-passe. Je te jure. Toi, t'as déjà la rime, Dominique. Donc, ce qu'il te faut, c'est la mélodie. Et toi, MTR, c'est le contraire. Ok, mais. Tu as déjà la mélodie. Donc, on peut faire sur une instru. Dominique, tu fais une rime. Ouais. MTR, tu fais juste une rime. Et moi, je fais juste une rime. Ensuite, ça revient à toi, Dominique. Ça revient sur à toi. Juste une rime seulement. Parle au micro, Jérémy. Dominique, une rime. Toi, une rime. Et moi, une rime. Et on se fait un passe-passe comme ça. Mais sinon, c'était con, moi, sinon. Il était bien, mais tu manques d'entraînement. Tout comme Dominique manque d'entraînement. Tout comme moi, je manque d'entraînement. Après, c'était. Après, donc, ce serait bien d'arrêter de s'individualiser. Parce qu'ensemble, on peut être meilleur. Mais tu sais, beaucoup meilleur. J'ai un truc, au début, freestyle, c'était éclaté un peu, c'est vrai. Bien sûr, après, j'ai amélioré. T'as vu, j'ai mis des textes, des rimes, échangé un peu. Au début, je parlais des mêmes choses, c'est vrai, là, j'assume. 2023, 24, là, 25, là, j'envoie du lourd, tu vois. J'ai inventé des textes, des mots. J'ai imaginé un peu. Allô, diable. Un peu. Imaginez, pour faire des rimes. Tu as fait un truc éclaté, c'est bien ça. C'est pas comme avant quand je fais freestyle au début, c'était... Ouais, c'est vrai, c'était pas bien. Mais après, ça va, j'ai quand même amélioré, c'est vrai. Dodo aussi, il m'a dit, hein. Dans la voiture, je chantais dans la voiture. Dodo, il m'a dit, ouais, je t'améliore, hein. J'ai freestyle dans la voiture aussi. Il a dit, putain, t'es bon, t'es mieux qu'avant. Bon, c'est à toi, frérot, Dodo, t'es un meilleur. Ok, on va faire comme on dit, Jérémy. Mais par contre, il faut que tu changes de micro, là, parce que ce micro, il passe aussi par le... Ouais, t'inquiète, passez après. Qui veut passer après? Il y a vous trois, vous finissez, là, non? Tout le monde? Moi, c'est bon, je finis, c'est bon. Vas-y. Allô, diable. Parlez, Dominique. Je commence? Tu commences. Non, le live finit. Hello, diablo, tu étais là, tu étais parti. Regarde la bouteille de coca. En gros, c'est faire deux rimes et tu passes à l'autre. On commence par quoi? Bah, ça commence par Dominique, ça fait MTS, ça fait moi, puis voilà, ça fait on commence par quelle rime alors par quelle rime on commence? Par celle que vous voulez, mais grâce à rime. El Diablo. On commence quoi? Dis un mot Dominique au hasard. El Diablo, tu étais là, tu es parti. Bah vas-y. Pas vrai. Il est là. Je suis là. Fais une... sur ça, Martin. Fais un truc sur ir qui rime avec partir. Ouais, mais possible d'introduire. Il a dit El Diablo, tu. Un truc qui rime avec partir. Tu es parti bord de rire. El Diablo, tu étais là, tu es parti. Voilà. Tu vois, t'as fait El Diablo, tu es parti et tu es revenu. Tu fais rire. Voilà, bien. Tu fais rire. Tic-tac, ça fait un scratch. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Fais froid ici. Il fait froid dans tes tentacules. Avant que je te... C'est pas vrai. Redis la première phrase. Cule. El Diablo était parti et revenu. J'ai pas dit que... Toi, tu es homosexuel ou pas? Niet. D'accord. Moi, la camarade Popov. Toi, camarade... De chambre. Comment il s'appelle le président russe là déjà, je sais plus. Ouais, Poutine, moi non Poutine. Plus, la Poutine. Poutine. La Poutine. Kalash, la Poutine. Voilà. Poutine, Kalashnikov. Waouh. Sur la bouche, la Poutine. Politique Kalashnikov, comme Dominique nous l'a dit. Je pense qu'il fait le. Il est parti, il est pas là. Moi j'ai déjà parlé à pyjama. Il est en pyjama. J'ai un truc à dire. Moi j'ai déjà beaucoup parlé à. Oh, à la Miss. Bon bah ok. Attends, il est parti en pyjama. Une rime avec pyjama, Christiana. Pyjama, pipi. Non. Je sais pas moi. Scatophile. Soirée pyjama. Ah bien. Il y aura, on sera combien? Amène un petit verre. On sera combien? On sera combien? À l'avenue Montparnasse, on sera 12. Eh, faut que tu viennes à l'avenue Bondy. Ouais, je vais venir avec toi. Quartier 13, 13 fantômes. On va se faire tout beau, on va aller draguer. Ouais. Et c'est quoi? Mais tu connais ce quartier un peu? Montparnasse? Ouais. Ouais, j'ai habité à rue du Cherche-Midi. C'est vrai. Moi, par la gare, je connais pas trop ce quartier. Attends, je peux faire un petit truc? Il y a la piscine, on ira à la piscine. C'est une 50 mètres. Pas vrai. Olympique. C'est quoi là? C'est quoi? L'Olympe, tu es à l'Olympe. Mathieu. C'est quoi? Entre la guerre et la paix, c'est quoi? C'est l'Olympe. Mathieu. Attends, j'ai rien à dire. Mais y'a rien au milieu entre la guerre et la paix. C'est quoi entre la guerre et la paix, c'est quoi? C'est la suite. À 300 euros là, le week-end. Le de la guerre et la paix. On fait des rimes. Non mais c'est quoi entre la guerre et la paix? C'est la finition de la paix. Ouais, exactement. Il y a aussi entre la guerre et la paix, on va dire la Corée du Nord et la Corée du Sud, parce qu'ils sont en guerre. Le bureau 39. Ah, moi j'ai envie d'aller en 69. Corée. 69. Année érotique. Je suis un fou de Havana. Eh oui, top, je suis parti à Montparnasse avec Sophie. Bon, alors tu fais. On fait l'amour dans la piscine. Non. Comme Loana et Jean-Edouard. Dans les cabines. Oh, l'info. Oui. Fuck love story. Fuck love story. Voilà. Fuck love story. Fuck love story. Fuck story. C'est comme ça que je t'aime, Jérémy. Quand tu n'es plus toi-même, quand tu ne contrôles plus rien. Voilà. Ah, là, tu vas partir en vrille dans pas longtemps. T'as pas connu Loana et le... J'espère. T'as connu Fuck love story. J'espère que je vais parler en vrille. Avec drill, Sophie. En singe. On va aller en drill. On va aller chercher un gars là-bas. Un drill. C'est un singe. Là, je fais des rimes. Le drill. Arrête de voler ma énergie. La neige va tomber cet hiver, attention à vos bottes. C'est pas assez vrai. À votre oseille. Il est 18h, le métanoïaque, hein, à la semaine prochaine. Je les capote quand même. Eh oui, tac, mais voilà, je suis né par. Ça dépend. C'est fini, on se revoit la semaine prochaine. Vas-y, l'équipe, à la semaine prochaine. À bientôt. Oulala. Je suis artiste. Caramba. Ah, pas mal. J'étais inspiré.